Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 581. Une saga des Fab Four spéciale puisque ce soir c'est la saga du Fab Four George Harrison. Nous n'allons parler que de George Harrison ce soir puisqu'aujourd'hui, ça fait très exactement 22 ans qu'il est parti. Il est parti le 29 novembre 2001, victime d'un cancer, hélas, des poumons et qui avait été fragilisé. En plus, on l'avait diagnostiqué en 1997 et en 1999, il a été victime des coups de poignard d'un rôdeur qui avait essayé de rentrer chez lui. C'était... ça l'a pas aidé, quoi. Voilà. Donc, je ris, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Donc, seulement du George Harrison. J'ai à peine mélangé les chansons. Il y aura quelquefois des copains qui chanteront des chansons de George Harrison. D'autres fois, George Harrison qui reprendra lui-même des versions d'autres personnes qu'il aime bien. Bref, ça va être chouette. On se retrouve dans le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook et dans quelques instants, ça va être à Georges de jouer. Phrase clé des Beatles, la phrase clé de George Harrison également, c'est l'amour. Love comes to everyone. George Harrison en 1979. Récemment, dans le groupe La Saga des Fab Four, j'ai eu, alors pas une conversation, un échange, voilà, un échange, c'est mieux. Avec quelqu'un qui disait, ouais, McCartney, il dit qu'il adorait George Harrison, mais quand même, il lui a pas fait beaucoup de place, etc., etc. Donc, drôle de façon d'avoir, d'estimer être son ami. C'est pas faux, mais peut-être aussi, c'est ce que je lui ai répondu, que Paul McCartney à cette époque-là avait un petit peu un ego surdéveloppé, peut-être avec un petit peu de raison parce qu'il était vraiment le roi à l'époque, mais ça n'empêche qu'il n'a pas vu, Paul McCartney et John Lennon non plus ne l'a pas vu, que George Harrison devenait vraiment quelqu'un d'extraordinaire, ne serait-ce qu'avec les chansons qu'il a travaillées avec les Beatles. Les chansons Isn't It a Pity, les chansons, enfin des trucs comme ça, on sing the space. Non mais attendez, on va écouter Isn't It a Pity, ils n'ont pas vu ça, quand même. 1970, sur l'album All Things Must Pass, Monsieur George Harrison, devenu un génie à son tour depuis au moins 1968, voire même un peu avant. Isn't it a pity? propos de Wawa, dans son bouquin « I'm Mine », George Harrison écrit « Wawa a été écrit durant le fiasco de Let It Be, qui a démarré avec l'enregistrement des chansons et qui s'est terminé avec le film Let It Be. On avait été loin les uns des autres pendant un temps et il avait été très difficile d'enregistrer l'album blanc. Ce double album avait été très long et ça semblait être interminable, avec toutes les sortes de... alors je vais dire exactement ce qui est écrit, toutes les sortes de merde qui arrivent dans les bandes, dans les orchestres, dans les groupes, voilà, dans les groupes. Les pressions, les problèmes, on revenait de vacances et on est allé directement dans la vieille routine. C'était ce concept de chacun voit et traite les autres différemment qui ne permettait pas de prendre en considération le fait qu'on avait beaucoup changé. Je me rappelle de Paul et de moi qui avions eu une dispute et que l'équipe continuait à nous filmer et à nous enregistrer. C'est après un de ces matins que j'en ai eu marre. J'avais décidé, allez, c'est bon, ce n'est plus drôle du tout. Je ne suis plus content d'être dans le groupe, c'est une grosse daube, je m'en vais. Wawa, c'est une sorte de mal à la tête, aussi bien que la pédale Wawa. Ça a été écrit au moment dans le film quand John et Yoko étaient en train de faire peur à tout le monde en hurlant. J'avais quitté le groupe, j'étais parti à la maison et j'ai écrit cette chanson. Voilà. Et ben, c'est une sacrée bonne chanson, c'est bien d'avoir mal à la tête parfois. Way back in time, someone said try some. soir, nous rendons hommage à George Harrison qui a disparu il y a 22 ans exactement aujourd'hui. Et donc la saga est consacrée à George Harrison entièrement. On a écouté depuis le début Love Comes to Everyone, extrait de l'album George Harrison en 1979. Deux extraits de l'album All Things Must Pass, c'était Isn't It a Pity et Wawa. Et à l'instant, Try Some, Buy Some, extrait de l'album Living in a Material World, 3 ans plus tard, en 1973. Puisque nous en sommes arrivés à la 5e chanson, il est temps de parler du site qui vous permet de tout savoir sur les Beatles. C'est le site de Lovely Rita. Mais alors, oui, vous l'avez dit, qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos 4 amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. I wrote a number of songs which I've never recorded to this day. I wrote one called Derradoon. Why don't you play it for us? I don't know if I know. Derradoon, Derradoon, no. Derradoon, Derradoon, Derradoon, Derradoon, Derradoon, Derradoon. Many roads can take you there, many different ways. One direction takes you years, another takes you days. Something I don't remember. C'est pas long. C'était en 1995, George Harrison qui dit à ses 2 autres acolytes « J'avais écrit une chanson que je n'ai jamais enregistrée, c'est Derradoon, et je crois que c'est Ringo qui lui dit « Pourquoi tu la joues pas ?» Et il dit « J'espère que je m'en souviens », et il en chante un petit bout. Mais pourtant, il a enregistré cette chanson, puisque la voici lors de la ressortie de All Things Must Pass sur les 50 ans de l'album. Many roads can take you there, many different takes you days. Sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles le mercredi. Et aujourd'hui, on rend hommage à George Harrison qui a disparu exactement il y a 22 ans aujourd'hui. Je vous propose... On voit que si au départ George Harrison était l'ami de Paul McCartney, c'est lui qui l'a introduit à John Lennon chez les Quarrymen d'abord et puis les Beatles ensuite, bien entendu. Après, il y a eu une certaine tension quand même entre Harrison et Paul McCartney. Oui, on peut le dire. À tel point que, en 1971, sur l'album Imagine, c'est John Lennon qui invite George Harrison à chanter, enfin, à jouer sur son album. Il a invité aussi Ringo Starr. Bien évidemment, Paul McCartney n'était pas là. Et puis, durant des années, Paul McCartney était un petit peu mis de côté. Mis de côté par les trois. Même s'ils se sont revus quand même à l'occasion. Et en 1981, après la mort de John Lennon, eh bien, George Harrison demande à Paul de venir, ainsi qu'à Ringo Starr, pour lui rendre hommage avec cette chanson « All Those Years Ago » que voici sur RIG. Oui, c'est du George Harrison en 1968. Première aventure solo pour George Harrison avec la musique du film Wonderwall Music. Une partie, c'est de la musique hindoue que personnellement je n'apprécie pas spécialement, et l'autre, il y a des instrumentaux et des chansons plus ou moins, et c'est assez sympa quand même pour la face B, on va dire, si on peut le dire comme ça. George Harrison, c'était aussi un gars qui aimait bien chanter avec ses copains. Là, je vous propose trois extraits d'un album qui s'appelle A Rockabilly Session en 1986. C'est Carl Perkins and Friends dans la première. C'est George Harrison qui chante seul dans la seconde. Il y a également Carl Perkins et Eric Clapton. Dans la troisième, il y aura du Carl Perkins dedans. Voici les trois chansons à la suite sur RIG. Well, it's a wonderful moon. I tell you to get ready now. Shine on the one that's gone, left you blue. Blue moon, I can't forget. Keep on shining. un dernier pour la route. You know that one. Pelkins qui rigole et puis allez, tape mon 5, les gars, tapez mon 5. Bon, on va quitter Carl Perkins, on va pas y passer la soirée, pour retrouver Paul Simon en 1976 au Saturday Night Live. Il invite George Harrison à chanter une chanson avec lui. Il reprendra Homeward Bound, mais aussi une chanson des Beatles. La voici avec George Harrison et Paul Simon. Sun, here it comes. Kelly sur RIG. Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. It's no good living without you. I can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. Album est toujours sur RIG 90.7, la radio des Beatles le mercredi soir, avec cette chanson The Answers at the End, la réponse est à la fin. Faults. Now let his foibles pass. dances at noon. George Harrison ce soir. C'est une chanson qui a été rejetée de l'album 1980, l'album Somewhere in England, sous prétexte que c'était pas assez commercial. La maison de disques en a rejeté quatre, notamment cette chanson, Flying Owls, qui datait des sessions de l'album George Harrison en 1979. et qu'il a sorti finalement en 1987 sur un album qui s'appelle Songs by George Harrison, qui est un album très très rare. Mais bon, on a fini par avoir cette chanson-là, qui est une très bonne chanson, contrairement à ce que cette maison de disques a voulu. En plus, si vous pensez aux chansons qu'il a rejetées, que cette maison de disques a rejetées, il y a Flying House, il y a Sad Singing, il y a, je les ai pas sous les yeux, c'est dommage, mais Lay's Head et Tears of the World. Eh bien, toutes ces chansons-là sont vraiment très bonnes, comme celle-là, Flying House, sur RG. All about those good old days. C'était dommage de ne pas connaître cette chanson-là. George Harrison aussi a fait des reprises. Je vous l'ai dit souvent lorsqu'on fait la cover. Il fait des reprises de personnes qu'il aime bien, comme par exemple Bob Dylan. Voici sa version à lui, George Harrison, de Abandoned Love sur RIG. By the clown inside of me, I thought that he was righteous, but he's vain. Oh, something's telling me I were the ball and chain. Patron saint is a fighting with a ghost. He's always off somewhere when I need him most. Spanish moon is rising on the hill. My heart is telling me I love you still. Come back to the town from the flaming moon. I see you in the streets, I begin to swoon. I love to see you dressed before the moon. La chanson suivante sur RG, je vais faire hurler les spécialistes, enfin les grands grands fans. Ben oui, nous allons écouter une chanson qui n'est pas de George Harrison, qui n'est pas vraiment chantée par George Harrison. Seulement, lorsqu'il a composé cette chanson en 2005 sur l'album Chaos and Creation in the Backyard, Paul McCartney a dit « Cette chanson, je l'ai composée en pensant à George. Je pense qu'il aurait pu écrire cette chanson, il aurait pu la chanter. » Eh bien, quelqu'un a utilisé l'intelligence artificielle pour faire chanter George Harrison Et on s'aperçoit qu'il aurait pu effectivement chanter cette chanson-là, ça lui va bien, c'est bien le style de George Harrison, comme quoi notre Paul McCartney international est capable de se glisser dans la peau de n'importe quel compositeur. C'est un caméléon, c'est un génial génie. Voici cette chanson, Friends to Go, par George Harrison, mais en intelligence artificielle. I've been waiting on the other side for your face to leave so I don't have to hide. I pretend I didn't know. So I've been waiting on the other side for your face to go. I've been sliding down a slippery slope. I've been climbing up a slowly burning rope. Oh, sent la patte de Jeff Lynne en tant que coproducteur avec George Harrison. Just for Today, une chanson tirée de l'album Cloud Nine de 1987. Un retour en forme de George Harrison après 5 ans de silence. Et oui, parce que bah, ça a débuté en 1980 là, avec les chansons rejetées de l'album, les 4 chansons rejetées. Et puis un album faible en 1982, Gone Troppo. George Harrison dit, j'en ai marre, allez j'arrête, je vais regarder mon jardin, cultiver mes plantes, prier, machin, truc chouette, etc. Et il s'arrête pendant 5 ans. Et finalement, quand il revient avec un excellent album, bien aidé par ses potes. Il y a Clapton qui est là, il y a Elton John, il y a Jeff Lynne. Et puis ça redémarrera ben, jusqu'à la fin, voilà. Et puisqu'on parlait de 1980 et je vous ai dit qu'il y avait 4 chansons, voici la deuxième des chansons qui ont été refusées. C'est Tears of the World sur RG. Retour en 1987 et l'album Cloud Nine, George Harrison va enchaîner avec un groupe de 5 personnes totalement géniales, autant les unes que les autres. Il y a Bob Dylan, il y a Tom Petty, il y a George Harrison, forcément, Jeff Lynne, et il en manque un, c'est qui ? Il faudrait que je les recite dans l'autre sens. Attendez. Roy Orbison, voilà. Roy Orbison, c'est celui qui manque, puisque malheureusement, sur l'album suivant, il ne sera plus là. Je vous propose deux titres des albums des Traveling Wilburys, puisqu'il s'agit d'eux. Last Night d'abord et New Blue Moon sur RG 90.7. C'est la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h. She was long and tall. She was the queen of them all. Talking about last night. Talking Dans un peu moins de 30 minutes, ce sera Eric et sa fabuleuse émission Johnny de A à Z. Et Eric m'a offert un super cadeau de Noël avec un petit peu d'avance. Vous pourrez en profiter dans une quinzaine de jours, puisque la semaine prochaine, on rendra hommage à John Lennon. J'en connais un qui va prendre une cafetière entière. Mais donc, tout ça pour vous dire que Eric m'a offert certains duos impossibles liés avec nos Fab Four. Vous découvrirez ça plus tard, et c'est absolument fabuleux. Je vous propose un retour sur l'album de 1979. Celui qui a débuté notre émission, c'était Love Comes to Everyone. Voici le même thème, mais une autre chanson et qui est absolument splendide. Your Love is Forever sur RG. Limitation, falsehood, immortality, which bore him the way back into the higher world. While his whole being is the world that he's not known. thought of action, taking refuge inside himself and sing. I need someone to show me my consciousness, remove the door from me. His all had seemed lost, a light from heaven breaking. It flashed in wood illumination, enriched his life more than many words to tell. Were falling from his eyes again. The boat of the prison opened in his sail. I found someone to show me. Illumine my consciousness. Remove the dark from me. And give me that which I had lost. Revolutions that keep you back down in the low world. In mirrors of understanding, they need cleansing. Polish away the dust of desire before your light will reflect in them. You need someone to show you. Illuminate consciousness. Remove the dark from me. And give you that which you've lost. To show me, illumine my consciousness, remove the dark from me, and give me that which I've lost. You need someone to show me, illumine my consciousness, remove the dark from me, and give me that which you've lost. Va plus arrêter parce que je ne sais même pas si on aura le temps de tout passer. Voici George Harrison, une chanson que vous connaissez en 1987, une reprise. Got My Mind Set On You. Gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. To do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set. I got my mind set on you, set on you. I got my mind set on you. right, child. It's gonna take time, a lot of precious time. It's gonna take patience and time. Entendu dans la saga des Fab Four, trois des quatre chansons rejetées, puisque voici pour terminer Lay His Head sur RG. Dans même pas 10 minutes, Eric et son émission Johnny de A à Z. I know that I seem strange to you sometimes. saga des Fab Four avec deux extraits du concert for George. D'abord, Paul McCartney et Eric Clapton pour la chanson While My Guitar Gently Weeps. Et puis Billy Preston qui terminera l'émission avec My Sweet Lord. C'était une bonne manière de rendre hommage à l'immense George Harrison. terminer cette émission, quoi d'autre que My Sweet Lord par Billy Preston. connais qui se sont écriés « Oh, c'est déjà fini !» Ben, on est en retard, comme d'habitude. Hein. Donc, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Oui, oui, excuse-moi, Eric, j'ai été en retard, pour une fois. Comme d'habitude, en fait. Donc, je sais qu'Eric va rattraper ça et que ça va très, très bien se passer. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée en sa compagnie. À très bientôt, la semaine prochaine, ce sera un spécial John Lennon pour fêter, mais c'est pas une fête, pour lui rendre hommage en ce début décembre. Allez, à bientôt. Salut.